pas vraiment sûr de là où je vais. Mais j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'suis pas vraiment sûr de là où je vais. Mais j'y vais, j'y vais, j'y vais. Quelques photos dans la cheminée. Soit je parle trop, soit j'suis muet. J'essaie de rattraper le temps comme si c'était une ex.